usufruitier de parts sociales et convocation aux assemblées. L'assemblée générale d'une société civile immobilière avait décidé de vendre l'immeuble constituant le seul actif de la SCI à l'un de ses associés pour un prix identique à la valeur du bien estimé 22 ans plus tôt. Un nu propriétaire de parts sociales avait agi en annulation de l'assemblée pour défaut de convocation de l'usufruitier des parts. Cet argument a été balayé par la Cour de cassation. L'Assemblée générale, qui a pour objet des décisions collectives pour lesquelles le droit de vote appartient au nu propriétaire, ne peut pas être annulée au motif que l'usufruitier n'a pas été convoqué et n'y a pas participé. Oui, mais il faut rappeler que le critère de répartition du droit de vote entre l'usufruitier et le nu propriétaire est différent selon la forme sociale. Ainsi, dans les sociétés anonymes et en commandite par action, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Dans les sociétés civiles et les autres sociétés commerciales, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Signalons enfin que les règles légales de répartition du droit de vote entre nu propriétaire et usufruitier ne sont pas impératives. Les statuts peuvent organiser une répartition différente à une réserve près. L'usufruitier ne peut pas être privé du droit de voter l'affectation des bénéfices.